Selon le journal d'internet sud-coréen Tongnyeos, des formations à Séoul ont constitué la direction de lutte de Séoul pour la mobilisation générale des masses le 7 octobre. À la conférence de presse tenue sur la place de Séoul, on a donné lecture de la déclaration qui appelle à la lutte pour renverser le pouvoir de dictature et d'oppression. Par ailleurs, le journal d'internet sud-coréen La Voix du Peuple a porté le 5 octobre l'éditorial qui accuse Lee Zeman, secrétaire des affaires générales de la Maison Bleue, de préparer avec le centre de renseignement une maison pour Bakounet après son mandat expiré.